Hier, j'ai donné l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée au porte-à-porte. Donc, c'est une personne qui m'avait pas l'air éloignée du système de santé, qui m'avait pas l'air en manque d'informations. Donc, en parlant tout ça avec la personne, j'explique ce que je fais et puis on commence à discuter. Et en parlant de ses revenus et de ce qu'il faisait dans la vie, tout ça, je me dis, pourrait peut-être prétendre à la CS, donc l'aide à la complémentaire santé. Donc, je lui explique et je lui propose de l'aide. Il me dit non, je vais me renseigner, je vais m'en occuper tout seul. Je lui propose, si besoin, de prendre un rendez-vous avec l'écrivaine publique qui peut l'aider à remplir le dossier et tout ça. Il me dit non, je m'en occupe. Donc voilà, on termine la discussion, je prends ses coordonnées et puis je m'en vais. Et puis quelques mois plus tard, je le rappelle. Et puis là, il me dit, bah oui, c'est bon, j'ai fait ma demande, a été acceptée, j'ai reçu mon chèque d'ACS et j'ai pris une mutuelle qui me coûte désormais beaucoup moins cher. Voilà, c'est vraiment un exemple concret d'un non-accès au droit par manque d'information, par une personne qui, a priori, est capable de trouver l'information, mais qui n'avait pas cette information-là. Donc, juste le fait de faire de l'aller vers, du porte-à-porte, et de ramener l'information jusqu'à cette personne, ça lui a permis d'avoir un accès à ce droit-là, qui peut-être, cette personne aussi, va en parler autour d'elle, et peut-être aider d'autres gens aussi.